This is California Spirit with Chris Morris. Hello à tous et bienvenue dans votre musical Made in West Coast, California Spirit Radio Show. Et c'est une spéciale 100% vinyle sessions qui vous attend cette semaine, histoire que nos deux platines Technics ne sombrent pas dans les oublis. Mais ne vous en faites pas, car ici, le vinyle a toute sa place, et je dirais même plus, il est indispensable pour mener à bien notre émission musicale. Et pour débuter, place à un Maxi 45, datant de 89, d'une qualité exceptionnelle, un hit parmi tant d'autres, de Sir Elton John, Club at the End of the Street, extrait de l'album Sleeping with the Past. L'occasion pour moi de vous annoncer que l'artiste va tirer sa révérence sur scène, en entamant, tenez-vous bien, une tournée qui va durer près de 3 ans et qui a d'ailleurs déjà commencé aux États-Unis. Et celle-ci passera en France pour 4 dates, dont Lille, Paris, Bordeaux et Nîmes dans les arènes pour finir en beauté cette tournée française. Welcome, c'est Chris Morris pour pas loin de 60 minutes rien qu'en vinyle dans votre poste de radio préféré, bien sûr. When the shakes are drawn and the light of the moon is the bang, and the stars up above walk the heavens hand in hand. There's a shady place at the end of the working day where young lovers go and this hot little trio plays. That's where we meet. Club at the end of the street. Ooh, well, me. The Hit West Coast with Chris Morris. Hommage à Martin Balin à l'instant avec What Love Is, extrait de son album Lucky de 83. Martin Balin, cofondateur du groupe Jefferson Airplane avec Paul Kantner. Et puis il y a eu donc ces deux albums solo moins connus du grand public, mais surtout très qualif, très soigné comme on les aime, enregistré au Village Recorders à LA. Et on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Car voici un second titre, cette fois-ci sur son album Balin de 81, très qualif, Atlantic Lady. C'est le titre, une pure merveille, 100% vinyle, Chris Morris. There's just something about your love. There's just something about you. Make me laugh, you take me away. Girl, I miss your sweet caress right now. And the thrill of you one more time. There's just something about your love. There's just something about you. Changed my life with a wave of your smile. Soothed my doubt and you eased my worried mind. Gave me love and affection, hope in my direction. That's what you gave me, girl, that's what you gave me, yeah. Georgia woman, you're so far away. I can see me loving you again. For the thrill of you one more time. There's just something about your love. There's just something about you. Down, you ease my worried mind, gave me love and affection, hope in my direction. That's what you gave me, girl, that's what you gave me, yeah. Landlady, I'm losing my mind. Girl, I want my arms around you now. For the thrill of you one more time. There's just something about your love. There's just something about you. There's just something about your love. There's just something about you. Chris Morris is on your best radio station. Father, why? California Spirit Radio Show avec ce titre et ce duo de choc, Yamo Be There, Michael McDonald, James Ingram, écrit, co-écrit par Ingram, McDonald, Ron Templeton et produit par le grand Quincy Jones, extrait de l'album de 1983 de James Ingram, Your Night, It's Your Night exactement. Eddie Money, California Spirit Radio Show avec, tenez-vous bien, cette phase B d'un Maxi 45, mais en 33 tours, jusque-là vous suivez. Quant à l'interprète, eh bien il s'agit de Eddie Money, extrait de son album de 80, Playing for Keeps, une petite pépite aware que je voulais vous faire partager et vous offrir dans cette spéciale 100% Vinyl Sessions. Every couple of weeks, find us for the best vinyl sessions of the 70s and the 80s. Only on California Spirit Radio Show, Chris Marks. Thank you. don't get locked into your sadness. Copper bluff, strut your stuff. If you stumble, just be tongue in cheek. Love is always just like hide and seek. Anthony, Cleopatra did it too. So speed hassle gets you down. Remember, everyone is lost until they're found. Michael Franks à l'instant avec ce titre Don't Be Blue. Michael Franks extrait de cet album, ce troisième album solo, Sleeping Gypsy bien sûr, et vous aurez peut-être dû reconnaître ou pu reconnaître dans, eh bien au crédit, Joe Sample au piano, Wilton Felder à la basse, Larry Calton à la guitare, John Guerin à la batterie, et puis bien entendu Devin Sanborn au saxophone. Chris Morris is on your best radio station. I found the man. Ah, la Californie, comme si vous y étiez avec ces artistes qui la représentent tellement bien. Comme Miss Brenda Russell, à l'instant, extrait de l'album Two Eyes de 83, produit par Tommy Lee Puma. Et ce titre, Hello People, co-écrit avec encore lui, Michael McDonald. Et soyez curieux, n'hésitez pas à lire au dos des pochettes de ces vinyles les crédits qui accompagnent tous ces artistes. Et des noms reviennent sans cesse, perpétuellement, je dois dire, comme à l'instant, Nathan East, David Foster, Leon Pernell, Nervis, Robbie Buchanan, Jeff Porcaro, John Robinson, Al Jarreau, Christopher Cross, David Leslie, et puis on rajouterait également James Ingram, Joey Esposito, Leon Rare, Patrice Rushen, Petty Brooks, Rennie Crawford, Rita College, pardonnez-moi cet accent, et c'est exceptionnel en tous les cas. Nothing like the sunshine, the sea, and smooth, silky grooves on the California Spirit Radio Show. La marque de qualité se trouve sur ce vinyle avec ce label Key West, Quincy Jones, encore lui, les Alessi Brothers, extrait de cet album donc de 1982, Long Time Friends, produit par Christopher Cross. The Hit West Coast with Chris Morris. Ne me regarde pas, inspire la pitié, celle qui froisse dans l'orgueil d'un grand homme. Quand l'amour et son absurdité lui crèvent les yeux, ne me regarde pas, je reconnais cette air-là encore. Cet album s'appelle Chimère, il date de 1982, et là nous venons d'écouter Tes yeux. C'est un album très calif, le plus calif des albums de Diane Tell. Et si vous aimez Diane Tell, eh bien sachez que bientôt cet artiste va sortir un nouvel album, elle est en plein enregistrement. Weekend Vibes, West Coast Jives, California Spirit Radio Show. California Spirit Radio Show, only vinyl. Can I make it down? Ah, c'est une spéciale 100% Vinyl Sessions avec le must du must de ce groupe Pages Masterpiece, on dit dans le jargon Only Dreamers. La suite, c'est avec un des frères Robin, un des frères Gibb, pardon, Robin Gibb, 1985. Extrait de cet album, Wall Have Eyes. Voici ce titre, Toys. Thank you. This is Roy Braverman from the USA, loving the golden grooves and smooth moves of California Spirit Radio Show wherever I go. California Spirit Radio Show, only vinyl. California Spirit Radio Show spécial Vinyl Sessions avec à l'instant les Pointer Sisters, extrait de cet album de 84, même 85, allez, oui, Contact. Le titre c'était Dermy. Autre registre, voici Dave Grusin avec Randy Goodrum à la voix. TikTok, extrait de cet album Nightlines. We'll be right back. l'erreur est humaine et j'en ai fait une bien belle, puisqu'à l'instant nous avons écouté, eh bien, tout simplement le titre de l'album de Dave Grusin, Nightline, et non pas ce titre TikTok en compagnie de Randy Goodrum. Pour me faire pardonner, nous allons l'écouter dans quelques minutes. Mais en attendant, voici celle qui nous revient, extrait de cet album Two Eyes. Voici Brenda Russell. It's Something. California Spirit Radio Show, Chris Morris. Dans la spéciale Vinyl Stations, unique en France. Cruising along with music of California's coast with Chris Morris on the California Spirit Radio Show. My friends, they said, don't watch that movie. just like me, reflecting back at me from the silver screen, singing tick tock, tick tock. When's this movie gonna stop? Tick tock, tick tock. The lead ladies break my heart. Tick tock, tick tock. Better watch this movie one more time. Tick tock, tick tock. And hope the lead lady changes her mind. Cette fois-ci, le tic-tac était bien présent, oui, Dave Grusin, avec en featuring Randy Goodrum, singer-songwriter hors pair. On lui doit d'ailleurs le I'll Be Over You du groupe Toto et tant d'autres. Voilà, cette émission est maintenant terminée. On se retrouve bien entendu eh bien, la semaine prochaine, même heure, même endroit. Passez une excellente semaine à l'écoute de nos programmes. Salut, à ciao. California Spirit is presented by West Coast Music Magazine on www.musicfromthewestcoast.com.